jeudi dans le studio du Solci et que nous envahit l'appétit. Moi et mon copain Drudy, on a une technique infaillible, ce sont les valeurs sûres de la vie. Les patotons, les patotons, les patotons, les patotons. Les patotons. Une fois que les pâtes sont cuites, on sait pas puer de la bite, on vide l'eau bouillante dans l'évier. Y'a Drudy qui largue une tôle, on se tape sur l'épaule, car entre nous l'amitié a un nom. Les patotons, les patotons, les patotons, les patotons. Les patotons. Le Drudy il sait pas faire, on rajoute du gruyère, une pincée de poivre et du magie. Je sais que l'amitié a un prix, elle tient dans ses spaghettis, le thon et la franche camaraderie. Les patotons, les patotons, les patotons, les patotons, les patotons, les patotons, les patotons, les patotons, les patotons.